Voici Guillermo Guise. Où ça? Là, devant toi. Merde, ça va les amigos? Oui, non, toi, ouais. On parle d'eau, on parle t'as d'eau. T'as marqué des buts, on a vu ça sur internet. Mais je sais, c'est je suis quelqu'un qui a la classe. Alors, vous savez. Pourquoi il joue à quoi? Il joue au foot. Mais oui, mais quand je sais. Ça n'a pas d'importance. C'est un ancien footballeur. C'est un ancien footballeur. Il est modeste, il le dit pas. Mais oui, il est modeste. Semi-pro. Et depuis la demi-finale de la Belgique, il est devenu humoriste. Absolument. Il va prendre sa revanche à la Quaponnée. À la Quaponnée, c'est bon. Allez, tous vous faire cuire le cul, on peut partir là-dessus. On part là-dessus et on fait la chronique, comment ça se passe? Une chronique gastronomie. Moi, ce que j'aime bien chez les humoristes, c'est les textes. Il y a du fond, il y a du fond aussi. C'est du fond, mon ami. Alors, cuire le cul. Il y a un truc qui m'a bouleversé cette semaine, j'ai appris que 3 millions... Je suis sérieux, 2 secondes. Ouais. Pardon. Il y a 3 millions de Français qui n'ont pas les moyens de conserver une hygiène correcte. Et je sais ce que vous allez me dire, mais tu nous saoules avec Daniel Morin, mais lâche-nous. On sait, c'est bon, ça va. Toujours en train d'attaquer ce brave monsieur, il fait de mal à personne, il est dans son coin. On a mis une blague de temps en temps, comme Pierre Tchernia, en plus raciste, mais comme Pierre Tchernia. Là, je suis là, grave. J'ai juste dit que j'allais parler de l'hygiène des Français. Jamais j'ai visé Daniel. Daniel, c'est juste qu'il vit pas dans la bonne époque, quoi. Daniel, à eau de régal, au 14e siècle, Daniel, c'était Pierre Ninet, je te le dis, moi. Je rappelle que pendant toute une histoire, une partie de l'histoire de votre pays, vos rois, c'était des écosystèmes. Hein, vraiment, tu sais quoi, Henri IV, t'avais pas envie de voyager en Thalys avec lui. Hein. Vraiment, il ouvrait la bouche, tu priais pour sniffer la barbe de quelqu'un comme Daniel. Vraiment, vous pouvez essayer, Leïla. C'est pas pire que du vieux Comté. Hein. Et c'est normal, quand t'as beaucoup de pouvoir, en fait, quand t'as beaucoup d'argent ou quand t'es très très beau, t'as pas vraiment besoin d'être propre. Genre Camille Lacour, par exemple, sans grande toilette, ça passe crème. Hein, je te le dis, Camille Lacour, il pourrait se laver avec une feuille d'arbre, ça change rien. Hein. Ah ouais, les mecs très beaux, ils savent qu'une fille, elle préférera toujours coucher avec un Camille Lacour sale qu'avec un Nagui propre. C'est comme ça. La nature est cruelle, qu'est-ce que je te dise. Je te confirme, ouais. En fait, quand j'ai écrit cette blague, je vous promets, j'étais dans le train avec une humoriste française, je lui ai vraiment demandé. Je lui ai dit, franchement, tu préfères coucher avec Camille Lacour sale ou avec Éric Zemmour propre? Elle m'a fait, tu sais quoi, Camille Lacour, même avec une MSTJV. Donc, attends, et là, t'as remplacé, Éric Zemmour par moi? Non. Mais je t'éclate à la sortie, toi. T'es un grand malade. Non, on y vient. Tellement de victimes. Monsieur, en France, comme je disais, il y a 2 millions de personnes. Attends, je le tiens. Ça va venir. Il n'y a pas de problème. On est sur 47 centimètres de différence. Non, pas l'eau. Si, la nuit de l'eau. C'est la journée mondiale de l'eau. L'eau, on gaspille pas. Oui. Allez. Pas d'eau. Viens t'asseoir. Ils sont vraiment en train de se battre. Enregistrez ça. C'est bon, Guillermo. C'est bon. Alors, Guillermo Guise a été agressé par Nagui. Ouais. Donc, je disais. Morandini va tenir 2 semaines. Je viens de venir ici. En France, il y a 2 millions de personnes précaires qui se disent mal à l'aise par rapport à leur hygiène corporelle. Ça m'a fendu le cœur, vraiment. Moi, je sais ce que c'est la honte de puer. Moi, j'ai déjà pué sur France Inter. On va briser un tabou. L'auditeur a le droit de savoir. Ah oui, les gens qui me disent, Ernesto, tes chroniques, c'est pas Pierre-Emmanuel Barré, c'est méritant. Mais ça me touche, mais je vous dois la vérité. J'ai pué pendant certains billets. Ah oui, c'est vrai, j'ai pué. Ah, je ne comprends rien à mon système de sudation. C'est une énigme. Parfois, je ne suis pas une goutte de toute la journée. Parfois, il est 9h du matin et on dirait que je sors d'un clip de reggaeton et que j'ai twerké en burkini. Vraiment, j'arrive ici, les vigiles, ils me font. Ah non, monsieur, ça va être compliqué, rapport à Vigipirate et tout ça. La cantine. Et alors, j'ai dit. Et je déteste puer. Puer, ça me donne envie de crever dans une poule au pot, vraiment. Et ça se voit dans mes yeux quand je. Ça se voit dans mes yeux. Il y a écrit, ah pardon, il y a écrit, je vous jure, j'ai frotté dans mes yeux, vraiment. Et c'est pour ça que ça me fend le cœur de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de sentir comme dans un parking. Eh bien, 5 millions de personnes en France n'ont pas les moyens de laver leur linge avec du produit de lessive. 5 millions. Et tous ces gens se rejoignent dans le métro. Vous en dites, c'est incroyable, quand même. Ah, tu blagues sur le métro, oh là là. Ernesto, il a des angles. Oh, il a des angles. Ah, oh, c'est pas Pierre-Emmanuel Barré, mais c'est méritant. Alors, ceci dit, ça m'a rappelé mon enfance. Mon père, il utilisait pas de shampoing, c'est vrai, il se lavait les cheveux avec du Pec Citron. Et j'adorais que ce soit une vanne. J'adorais, mais je vous jure, sur ce que j'ai de plus cher, mon autographe de Bruno Maigret, je vous jure que mon père, il me disait, le liquide vaisselle, c'est bon pour les pellicules. Vraiment, tu m'étonnes, le pec, c'est conçu pour dégraisser les poils longs, tu vois. Tu peux plus avoir de pellicules quand t'as plus de cuir chevelu, toi. Moi, niveau hygiène, j'ai une de ses enfants, c'est vrai, je me suis frotté le huc avec du papier journal. Moi, je reviens de loin, je vous le dis, hein, vraiment. Alors, du coup, ça me fend le cœur. Il y a des millions de Françaises qui n'ont pas les moyens de changer les couches de leurs enfants, c'est vrai, de changer leur serviette hygiénique. Il y a des millions de Français qui avoir déjà renoncé à du shampoing, à du savon et au papier toilette. Alors, j'ai une solution. Elle implique Michel Houellebecq. Michel, tu as les moyens. Fais un geste pour les Français qui te ressemblent, mais qui n'ont pas eu le choix. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. France Inter, Nagui, la bande originale.